Chapitre 4. Juana et Fleur de Soleil sont emportées avec rapidité vers le groupe des habitations. Cette course pleine de chaos n'est point longue ni trop pénible, du moins au point de vue matériel. Du reste, les desperados s'excusent fort poliment. On a beau être d'affreux brandis, on n'en est pas moins des cavalieros. Gentils hommes de grand chemin, mais tout de même gentils hommes. Ils évitent la colonne tapageuse des buveurs et obéissent à des ordres précis, arrivent par les derrières à l'immense case occupée précédemment par les prisonnières. Flore garde un silence farouche, et Juana conserve une froide impassibilité que dément la flamme de son regard. Une porte dérobée s'ouvre, leurs liens tombent, elles se trouvent dans une salle obscure et aussitôt la porte se referme. Elles entendent les cavalieros rire bruyamment et une voix s'écrier « Ouf, la corvée est finie, allons boire, nous l'avons bien gagnée !» Brusquement, le masque d'indifférence de Juana tombe et la malheureuse enfant, terrassée par le nouveau coup du sort, s'écrie d'une voix navrée. « Flore, ma pauvre Flore, tant de fatigue, tant de peine et de danger pour en arriver là !» À l'autre extrémité de la pièce, dans l'ombre, un appel tout faible et comme brisé la fait tressaillir jusqu'au fond de l'âme. « Ma fille, mère, oh mon Dieu, soyez bénie, ma mère est là !»« Juana, mon enfant, » bégaye une autre voix. « Père, vous aussi ?» Elle s'avance, le cœur battant, les mains tendues à travers les obstacles. Ses yeux s'habituent lentement à l'obscurité. Elle aperçoit deux formes humaines debout près de la paroi, et en même temps elle distingue un bruit de chaîne. Et tout son être frémit d'indignation et de douleur. « ma fille !» répète la mère de cette voix atone, chevrotante, qui fait mal. Juana l'étreint entre ses bras, la couvre de baisers, lui murmure ces petits mots d'enfant qui lui remontent du cœur aux lèvres et qui, autant des années lointaines, la ravissaient. Elle veut l'attirer près d'un ray de lumière qui filtre à travers la muraille de bois. La voir, oh la voir un moment, un seul moment, sous cette clarté parcimonieusement mesurée par leur bourreau. Elle sent de la résistance et ce même bruit de métal froissé lui arrache un cri. Horreur, sa mère est enchaînée. Par un raffinement de férocité, elle est attachée comme un fauve à 2 mètres de son mari, qui lui aussi étend vers leur enfant ses bras que la souffrance et l'émotion font trembler. Quittant pour un moment sa mère, Juana s'abat sur sa poitrine et s'écrie « Père, oh mon père bien-aimé, la destinée s'acharne sur nous, père, oh nous sommes trop malheureux. Mais du moins une suprême consolation nous reste. Et nous n'osions plus l'espérer, » répond la voix grave mais affaiblie de Don Blas. « Te revoir. » Et t'embrasser encore avant de mourir, ma Juana. Mais vous vivrez. Je ne veux pas que vous mouriez. L'heure suprême approche, ma fille. Je ne veux pas, je ne veux pas. Pauvre enfant, si tu savais, reprend la mère. Du reste, nous ne sentons presque plus la douleur. N'était-ce cette soif atroce? Mon Dieu, que dites-vous? Le monstre a tenu parole. Depuis que nous sommes en son pouvoir, nous n'avons ni bu ni mangé. Ah, c'est trop de barbarie, trop de misère aussi. Nous devons subir notre destinée, répond Don Blas avec effort. Il se venge, lui, sans grandeur comme sans mesure, avec toute la férocité de cette race infâme, digne du mépris que j'ai toujours éprouvé pour elle. L'Indien, mon enfant, est en dehors de l'humanité. Nous souffrons de lui comme d'un fauve, père. Si pourtant nous goûtons cette joie suprême d'être réunis, nous le devons à une Indienne. Vaillance, affection, dévouement, elle m'a tout prodigué à plein cœur. Elle a risqué 10 fois sa vie pour moi. Elle partage en ce moment notre captivité comme elle partagera notre sort. Père, je vous en supplie, ne soyez pas injuste pour elle dont la reconnaissance et l'amitié ont fait la plus chérie des sœurs. Debout près de l'entrée, Flore n'a pas fait un mouvement. Elle comprend toute la profondeur de l'abîme qui la sépare de ses gens. L'invincible et monstrueux préjugé de race, qui subsistera quand même en un tel lieu et en pareil moment. Cependant, Doña Laura s'attendrit aux paroles vibrantes de sa fille. Elle a reconnu Flore, la petite indienne blessée là-bas à la hacienda, et dont la fuite suivit celle de Jean de Fer. « Viens, mon enfant, » lui dit-elle doucement, « viens près de moi, puisqu'il m'est impossible d'aller vers toi. » Flore s'avance avec dignité, un peu hautaine, vers cette femme, cette blanche qui, pour elle, personnifie l'ennemi héréditaire. Gênée plutôt qu'intimidée, ne trouvant pas un mot à dire, elle baisse la tête. Nerveusement, Doña Laura l'attire sur son cœur. À cette heure tardive, l'orgueilleuse Espagnole comprend enfin l'iniquité séculaire de la race conquérante. Elle voit combien ses mépris furent injustifiés, et ses cruautés plus indignes encore. Non, l'Indien n'est pas ce que vient de dire son mari. Elle est femme, elle est mère, et son âme attendrie s'ouvre devant l'éclatante vérité. Ses lèvres se posent sur le front de Flore et elle ajoute « Mon enfant, Juana t'aime comme sa sœur. Viens, toi aussi tu seras ma fille. »« Bien, mère, » s'écrie Juana, « je n'attendais pas moins de votre grand cœur. » Flore tressaille et murmure « Madame, je n'espérais pas tant, chère petite. La reconnaissance, vois-tu, se mesure à la grandeur du bienfait, et je ne pourrai jamais m'acquitter envers toi. » Don Blas, malgré sa faiblesse croissante, affecte une sorte de dignité froide qui contraste étrangement avec l'émotion si humaine de sa femme et des jeunes filles. Orgueil, inconscience, probablement l'un et l'autre, avec un étonnement profond. Il adore sa fille. Il ferait pour elle tous les sacrifices et donnerait avec joie sa vie pour lui épargner une douleur. Il est bon, il est foncièrement juste, brave et généreux. Et cependant, de ce cœur de père ne jaillit pas ce grand cri de gratitude pour l'exquise et vaillante créature qui a sauvé l'enfant aimé passionnément. Flore est une Indienne, et ce mot renferme pour lui toutes les conceptions erronées de l'Espagnol assembleux à l'égard de la race asservie. Pourtant, il reconnaît le fait matériel. Et comme il est au fond un homme féru d'équité, il dit de sa voix altière que les privations font chevroter. « Ma chère petite, je vous remercie bien sincèrement. Si la Providence nous fait sortir d'ici, vous verrez que Don Blas Romero n'est point un ingrat. » Juana voudrait lui crier « Père, elle mérite mieux qu'une banale promesse de récompense. Et vous ne voudriez pas ainsi diminuer l'immensité du bienfait ?» Il devine ce qui se passe dans l'esprit de sa fille. Alors, un long travail s'opère dans cette âme chevaleresque, sans doute, mais fermée à ces nobles sentiments qui proclament l'égalité entre tous les membres de la grande famille humaine. C'est le premier coup porté dans cet orgueil jusqu'alors invincible qui lui montrait dans l'humanité des degrés infranchissables, avec lui, le blanc au sommet, et les autres, les rouges, en bas, terre à terre. Il prend la main de Flore, la serre vigoureusement dans les siennes et ajoute « Mon enfant, soyez béni. » Ah, cette fois, la fillette ne se méconnaît pas à l'accent qui accompagne ses paroles. Elle regarde ce blanc d'un autre temps, dont la physionomie l'impressionnait malgré tout. Elle va lui répondre, quand elle le voit fléchir, osciller, puis s'écrouler avant d'avoir pu lui porter secours. Juana pousse un cri. « Mon père se meurt! Mon père se meurt !» Vaincue par la faiblesse et la poignante émotion, Doña Laura tombe sur les genoux et murmure d'une voix éteinte. « ma fille adorée, ta vue nous avait redonné quelque force. À présent, c'est la fin. Nous mourons de faim, de soif. Oh, je souffre !» Juana appelle au secours, frappe du poing et du pied sur la muraille de bois qui résonne. Au bout de quelques minutes qui lui paraissent des siècles, on entend des pas martelés de bruit d'éperon. La petite porte dérobée s'ouvre et Andrés apparaît. Deux hommes l'accompagnent. Très froid, très maître de lui-même, le métis pénètre dans le log house, salue respectueusement et dit « Qu'y a-t-il pour votre service ? Je suis à vos ordres, señorita. » Vous tuez lentement, avec un raffinement de férocité, mes parents. Je veux pour eux de l'eau, des aliments. Vos désirs seront exécutés sur l'heure, señorita. Don Blas Guerrero doit s'en prendre à lui seul, si j'ai cru devoir sévir contre lui. Vous savez d'ailleurs pourquoi. Je lui demandais seulement quelques égards. Devant l'impudence du coquin, l'indignation de la jeune fille éclate tout entière. Des égards de la victime pour le bourreau, des politesses de la part d'un mourant pour celui qui l'assassine. La raillerie est au moins déplacée. Don Blas n'a qu'un mot à dire, qu'un geste à faire, et je vous rends à tous la liberté. Assez, je veux de l'eau et des aliments, obéissez. Oui, señorita, si toutefois vous donnez à votre ordre la signification de... comment dirais-je, d'un accommodement, d'une promesse. Un accommodement, lequel? Une promesse, de quoi? Parlez vite, le temps presse, l'irréparable s'accomplit. Je veux que dorénavant Don Blas me reçoive et me traite en égal. J'exige qu'il prenne l'engagement d'accueillir favorablement la demande faite par moi d'aspirer à votre main. Je suis fiancée, vous le savez, et je ne serai jamais la femme d'un autre. C'est votre dernier mot, señorita ? Reprend Andrés d'une voix qui s'assourdit. Don Blas râle et se tord sur le sol. Doña Laura, inconsciente, est affaissée sur les genoux et gémit plaintivement. Le jour qui pénètre à flot par la grande porte ouverte éclaire violemment les deux victimes. Et c'est à peine si Juana peut reconnaître leurs traits creusés, ravagés par la souffrance. Son père, sa mère, en pareil état, par ce monstre qui broie leur cœur et torture leur corps. Alors cette exquise créature, pétrie de grâce et de bonté, sent une flambée de haine l'envahir. « Vous ne répondez pas, señorita, » continue le métis. « Dois-je prendre votre silence pour... » Elle l'interrompt violemment et s'écrie. « Mais vous n'avez donc ni âme, ni conscience, ni générosité. Mais n'êtes-vous donc qu'un bandit sanguinaire en qui rien d'humain ne vibre ?»« Si, l'amour me dévore, la passion éperdue qui me tue lentement, comme d'autres, la faim et la soif. Cet amour rédempteur, qui du bandit que je suis peut faire un héros. » « Si je vous avais moins aimé, señorita, vous seriez tous morts aujourd'hui. L'amour seul a pu triompher de la haine, de l'insulte et du mépris, et arrêter la vengeance aux portes du tombeau. Mais aujourd'hui, je vous veux, et si j'use des moyens les plus cruels pour vous mater tous, plus tard, vous pardonnerez à celui qui vous aura faite plus riche, plus grande, plus aimée qu'une reine. » Elle le regarde avec horreur. Puis ses yeux vont de cet homme qui parle d'amour en un tel moment à ses parents qui agonisent. Oh, les sauver à tout prix, sans être parjure agent de fer, ce héros de vaillance et d'abnégation qu'elle appelle en vain à son aide. Mais les moments sont comptés, il faut agir promptement, car la syncope de Don Blas peut devenir bientôt mortelle. Résolument, elle ajoute « De l'eau, je veux de l'eau, sans condition. » « Soit, mais après, ajoute Andrés implacable, eh bien, je verrai. Votre parole ? Non, pas de parole, je verrai, vous dis-je. » Et elle songe. Oui, je les sauverai. Puis je disparaîtrai à tout jamais, et ma mort sera la rançon de leur vie. Jean me pleurera et me vengera. Ces deux mots, je verrai, ne sont plus un refus absolu, formel. Certes, ils ne constituent pas un engagement. Mais Andrés y voit une fissure dans ce bloc de résistance acharnée jusqu'alors. Et puis un verre d'eau, rien qu'un verre d'eau. Et il se fait fort le lendemain, les jours suivants, d'arracher lambeau par lambeau à Juana cette parole qui la lira pour jamais. Il s'incline, sort et revient portant sur son plateau une de ces gargoulettes en terre rouge en usage là-bas. Il la dépose sur la grosse table massive et sortir à reculons vers la porte demeurée ouverte. Du reste, ces deux acolytes sont toujours là, montant la garde, le revolver au poing. Juana saisit le vase, l'approche des lèvres tuméfiées de son père et verse quelques gouttes d'eau dans sa bouche. Au contact bienfaisant du liquide, Don Blas a une longue aspiration, ses yeux s'ouvrent, ses dents se desserrent, la vie revient. Il boit. Oh, avec quelle avidité fébrile, maladive, qui en dit long sur les tortures endurées. Andrés est toujours là, barrant la porte, épiant froidement ce retour à l'existence. Mais le flamboiement de son regard dément ce calme trop affecté pour être vrai. Don Blas aperçoit Juana. Penchée sur lui, elle le contemple avec une expression d'amour infini et murmure doucement « Buvez, père, buvez, sans crainte. » En même temps, il voit Andrés et une secousse violente contracte son corps. Un soupçon traverse son âme. L'horrible pensée que sa fille a pu supplier le bourreau ou obtenir de lui par une vague promesse les quelques gouttes d'eau qui l'empêchent de périr. Pâle, tragique, terrible, il arrache des mains la gargoulette, crache sur Andrés la gorgée qui emplit sa bouche et lui lance à la tête le vase aux trois quarts plein. Puis il s'écrie d'une voix furieuse « Coquin, lépreux, chien de métis, que cet eau me serve de poison, puisqu'elle vient de toi. Va-t'en, bandit, et laisse-moi mourir !» La gargoulette s'écrase au montant de la porte. Le contenu mêlé aux éclats jaillit à la face du métis qui pousse un hurlement de rage. Trempé, bafoué, piteux et ridicule, exaspéré, voyant rouge, il tire son revolver et le braque sur Don Blas en criant. « Oh, dussé-je pleurer, toujours des larmes de sang, Il faut que je vous tue !» Juana pousse un cri déchirant, se jette sur son père et le couvre de son corps. Un éclair de raison traverse le nuage de sang qui envahit le cerveau d'Andrés. Il abaisse son arme et s'enfuit sanglotant de rage impuissante, rugissant, frénétique, en bégayant à mots entrecoupés. « Je voudrais m'arracher le cœur, les égorger tous, je ne peux pas. Mais, patience, j'aurai ma revanche. » Brisé par ce dernier effort, Don Blas est retombé dans une douloureuse torpeur. Sa femme, étendue sur le sol, la tête sur les genoux de Juana, pousse de faibles gémissements. Les malheureux endurent de cruelles souffrances et attendent la mort libératrice. Juana voudrait appeler, demander du secours, se sacrifier pour eux et payer, comme elle l'a dit, de sa vie leur salut à tous les deux. Don Blas, farouche, lui a crié « Ma fille, si vous implorez ces misérables, je vous maudis à tout jamais !» Juana s'est résignée. Elle partagera leur sort, adoucira leur dernier moment et périra comme eux. Et Fleur de Sol ? Oh, l'Indienne, elle, n'a pas cette passivité stoïque. Tournant de tous côtés comme un fauve en cage, tâtonnant, furetant, elle cherche un trou par où s'insinuer et s'enfuir. Une seule idée la domine. S'évader à tout prix. Courir là-bas, à la lagune des Caïmans, appeler les Indiens, ses frères, et les amener en masse, délivrer les prisonniers. Maintenant, la nuit est venue. Au dehors, on entend le tapage des mineurs que l'ivresse tient éveillé. Une orgie bruyante, véritable symphonie d'alcool, où se confondent les chants, les jurons et les bruits de querelles, mêlés aux détonations des revolvers et aux ronrons des guitares. Flore cherche toujours. Déjà familiarisée avec tous les objets enfermés dans le log house, elle va, vient, les mains tendues, palpant avec des gestes d'aveugle, ne trouve rien et recommence inlassablement. Oh, cette merveilleuse patience indienne, que rien n'arrête, ne déconcerte ni ne rebute. Plus qu'une qualité, une vertu, qui finit par triompher des gens, des fauves, des obstacles, de tout. À présent, Flore explore la toiture. Pour cette opération au moins difficile, en pleine obscurité, elle a posé sur la table un des sièges massifs. Puis, au risque de se rompre le cou, elle a grimpé sur le tout, et s'est mise à tâtonner les rondins posés en déclivité sur la robuste charpente. La gamine suppose avec raison qu'un de ces rondins peut se déplacer. Elle cherche, sans à-coups, sans faux mouvement, dressée sur la pointe des pieds, tâchant de soulever une à une les bûches qui résistent. Rien. Tout cela forme un bloc plein. La fillette ne se rebute pas. Elle pousse plus loin la table, remet en place l'escabeau, se hisse légèrement dessus, et continue ainsi d'inventorier la toiture. Tout à coup, un bruit singulier, du moins à pareille heure, la fait tressaillir. C'est une sorte de ricanement aigu, avec un je ne sais quoi de joyeux qui traverse les airs. « Tiens, » dit-elle, « le cri de l'oiseau moqueur. Oh, bien imité. Mais le moqueur ne chante jamais la nuit. Ah, si je savais. Essayons pourtant. » Elle répond par un glapissement perçant qui se termine en une sorte de hurlement prolongé, comme celui d'un petit chien qui aboie la lune. C'est le cri du chacal. Aussitôt, à deux reprises, éclate, plus rapproché, le ricanement de l'oiseau moqueur. Le cœur de l'Indienne se met à battre violemment. « Ah, si c'était vrai !» murmure-t-elle à demi-voix. De son côté, elle pousse de nouveau, et par deux fois, avec une perfection inouïe, le glapissement du coyote. Ce petit chacal mexicain, effronté, pillard, poltron et enragé noctambule. Et aussitôt le glapissement du moqueur vibre, plus fort encore, et par trois fois, avec son ironie joyeuse. Puis, trois coups secs, régulièrement espacés, retentissent frappés sur la muraille de bois avec un corps dur. Bien posément, Flore descend de l'escabeau, saute légèrement de la table sur le sol, s'avance vers Juana immobile près de sa mère qui râle et lui dit simplement « Espère !»